Chers auditeurs, bienvenue à tous dans « Où ira bien, qui où ira le dernier » pour notre 14e émission. Pendant une heure, nous serons en compagnie du guitariste finlandais Otso Ladeoja, je l'ai bien dit. Bonsoir Otso. Bonsoir. Tu vas notamment nous présenter ton projet solo. On s'installe confortablement et on écoute un premier morceau en direct dans les studios de Radio Panique. Le morceau joué par Otso s'appelle « Aivo Vuoto », à traduire « Fuite au cerveau ». Thank you. C'était Otso Ladeoya pour un premier live, pour cette émission Où ira bien, qui où ira le dernier. Merci Otso. Donc tu vas présenter aujourd'hui dans notre émission, notamment ton projet solo. Tu as créé ta propre guitare augmentée, c'est ce que tu as amené aujourd'hui. Oui, en fait, ouais, c'est une guitare effectivement avec des capteurs de mouvement, des choses comme ça qui fournissent des données à un ordinateur qui traite le son. Donc tout ce que je joue ce soir, c'est joué en live. Tous les sons viennent de la guitare en fait, et c'est traité en direct. Donc un live électronique avec ordinateur et capteur de mouvement. Tu as Max MSP allumé devant toi pour les effets, c'est ça? Oui, ça en fait le son va dans l'ordi. Après, il y a toute une cuisine que j'ai fait quand même pendant des années, que j'ai développée pendant des années. Et donc finalement, la sortie, il y a une sorte de porridge sonore qui a sa source à la guitare. Et alors justement, comment t'en es venu en tant que guitariste à travailler ton instrument et à en faire ce qu'il est aujourd'hui? Je pense que pour tout musicien, il y a quelque chose d'ordre de recherche du son. Quand on se fait musicien, quand on se pense musicien, on cherche un son. C'est très important, surtout moi je viens de musique improvisée, un peu de jazz, des choses comme ça, de trouver un son qui soit individuel, reconnaissable. Donc moi j'ai joué longtemps les choses un peu, effectivement dans une mouvance un peu jazz, et c'était pas ça, c'était pas ma musique en fait, ça m'a pris longtemps pour comprendre ça. Et quand j'ai commencé à travailler avec l'électronique, en fait il y avait une sorte de rêve sonore qui s'était formulé un peu plus tôt, une sorte de rêve d'une musique paysagère ou cinématographique ou quelque chose comme ça. Et en fait l'électronique, ça m'a donné une piste à suivre. Donc du coup c'est devenu vraiment une occupation à plein temps. J'ai un peu poussé cette chose là et effectivement j'ai créé mon instrument avec ça. Et puis maintenant il y a quelque chose dans le son qui me semble familier en tout cas. Donc ça, voilà. Sinon moi l'électronique c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Je suis plutôt critique des machines et tout ça, mais en tout cas ça m'a permis de réaliser un son qui était comme un rêve et qui me tend à peu près là quoi, un peu en tout cas. Et tout ça tu l'as développé avec un trio qui s'appelle Mu, enfin cette musique et cette guitare, c'est un trio audiovisuel, une pièce audiovisuelle, ouais, en fait... le trio OAO, c'est ça? Il y a eu plusieurs phases en fait. Il y avait d'abord un duo qui s'appelait Plateau, c'était à Paris il y a longtemps déjà. Ça c'était le début, après il y avait un petit passage en solo, et après effectivement j'ai retrouvé des amis plasticiens en fait, vidéastes. C'est un duo de vidéastes qui s'appelle les Mars Walkers, avec Alexandre Berthier et Karl Otto von Herzen. Et donc on a formé un collectif OAO à trois, et donc eux ils font de la vidéo, moi je fais du son. Et donc avec eux, on a créé cette pièce Mu, une sorte de pièce scénique avec beaucoup de vidéos et du son live. Donc ça, effectivement, ça c'était la dernière chose que j'ai fait avec la guitare augmentée. C'était l'hiver passé à Québec. Oui, c'est ça, c'est né de résidence, de création transdisciplaire au Québec. Oui, c'était un endroit qui s'appelait La Méduse, qui s'appelle La Méduse toujours. Et magnifique endroit où il y a plusieurs centres de création qui se côtoient dans un même bâtiment. Et donc on a passé 3 mois là-dedans à faire les fous. On entend un peu derrière nous donc, le son de Mu. On peut retrouver ce projet sur flyingbirds.org. Oui, donc c'est le site de Mars Walkers, flyingbirds.org. Et effectivement, là-dedans on trouve des vidéos sur mon site aussi, donc otsola.org. Otsola.org. Vous trouverez des vidéos de Mu. Et ce qu'on entend là, effectivement, c'est la fin de cette pièce où on jouait des harmonies à trois en fait. On avait fait une sorte de fin acoustique à cette pièce très très électronique. Otso, une concrétisation pour ce projet solo, bientôt un album à sortir d'ici quelques jours. Oui. Oui, alors c'était une longue histoire, c'était ce disque a été enregistré il y a 2 ans et il y a un label qui l'avait pris qui s'est cassé la gueule entre temps, et donc maintenant finalement ça sort chez Audiotongue, qui est un label polonais. Ouais, une plateforme d'art sonore et de musique expérimentale qui est basée à Cracow. Six tracks dans cet album qui s'appelle Yonder. On va écouter un des morceaux, ça s'appelle Elephant. Ça va? Ça. C'était Elephant, un morceau donc de ton album Otso Ladeoya. Ce soir avec nous dans Ouira bien qui ouira le dernier. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cet album donc à venir d'ici 2-3 semaines hein, sur donc Audiotong, ce label polonais. Ouais, donc c'était la première chose que j'avais faite avec la guitare augmentée. Donc j'avais joué les choses en live et après je les ai retravaillées en studio. Il y a des choses plus atmosphériques et des choses un peu plus poussées, un peu plus musclées comme ça. Et bon, là on a écouté Elephant, c'est le morceau le plus musclé de l'album, mais c'était aussi pour faire un peu de contraste avec les autres choses qu'on écoutera ce soir qui sont plus paysagères justement. Donc ça a pris longtemps pour sortir ce disque, j'espère que le prochain sera un peu plus rapide. Et bah, ça a été enregistré à Paris, donc il y a 2 ans. Et donc un premier disque solo, j'aimerais bien en faire un deuxième en solo, mais j'ai toujours beaucoup joué en groupe et les activités de groupe sont importantes pour moi. Et donc je pense qu'il y aura d'autres sorties en groupe bientôt aussi. Très bien. Et tu disais tantôt que ton, comme musicien, c'est important aussi d'être en recherche du son. Toi, justement, tu as un aspect théorique très important. Tu as fait une thèse à Paris, justement, à Paris 8, sur les instruments augmentés. C'est bien ça? Oui, en fait, je me suis retrouvé... j'ai fait des études à la fac en musicologie. Et en fait, je me suis retrouvé dans quelque chose qui était assez agréable, c'est que la recherche que je faisais en musico... Donc du coup c'était musique et technologie en fait. Il s'est trouvé que ce travail-là nourrissait mon travail musical. Donc en fait j'ai pu faire une thèse où j'ai en gros construit l'instrument que je joue aujourd'hui et faire un travail théorique là-dessus et technique aussi. Donc qui est d'ailleurs après devenu mon métier parce que maintenant je suis chercheur à l'université de Mons en musique et technologie. Donc ça c'est, il y a quelque chose de, une sorte de dynamique qui s'est mise en place qui a été assez bénéfique. La recherche universitaire nourrit la recherche artistique et vice versa. Je fais pas vraiment la différence entre les deux. J'aime bien faire les deux, donc c'est une sorte de balancement sur une corde raide de faire 50% de chaque et pas plus. Bon, je pense que dans l'idéal, si je pouvais jouer tout le temps, je pense que tout musicien aimerait jouer. Mais en même temps, oui, l'exercice intellectuel et la recherche, c'est quand même important. Surtout quand ça nourrit un processus artistique aussi. Et c'est dans cette idée-là aussi que tu as commencé à travailler avec des résonateurs? Oui, alors ça, c'est nouveau. Oui. Donc ça, c'est une nouvelle phase. C'est un peu la suite de la guitare augmentée. Disons que je m'étais concentré sur l'instrument guitare au départ. Et après, j'ai rencontré des gens qui travaillent avec des résonateurs. Donc les résonateurs, c'est des... sorte de on appelle ça des résonateurs acoustiques, donc c'est des petites masses qu'on attache aux objets, une table, une fenêtre ou quelque chose comme ça, et en fait cet objet devient un objet, comment dire, vibrationnel, il vibre, donc il émet du son. Donc ça permet de, les résonateurs permettent de transférer du son dans les objets quotidiens. Donc j'ai commencé à travailler avec ça, j'ai fait des rencontres, j'ai vu des pièces qui utilisaient des résonateurs. Et l'idée c'était au lieu d'augmenter la guitare avec des capteurs et des choses comme ça, c'était d'augmenter physiquement l'instrument de musique et donc faire, mettons, une pièce, une chambre ou une salle qui devienne comme une sorte de prolongement de l'instrument de musique. Donc si je joue la guitare, c'est la salle entière qui vibre en fait, avec le son de la guitare. Les murs, les chaises, les tables. Voilà. Et tu as fait ça justement dans un... ça s'appelait Laisser le passage libre. Oui, dans ça... l'église de Die. Ouais. Donc, oui, dans le Diwa. Cet été, donc dans la Drôme, le sud de la France, il y a un super festival qui s'appelle Laisser le passage libre, qui est dédié aux arts expérimentaux et... donc effectivement, j'ai pu avoir une petite église à ma disposition pendant 5 jours. J'ai mis des résonateurs dans cette église et je jouais. Donc c'était guitare classique cette fois-ci. Et donc cette guitare était captée, traitée, transférée dans notamment les bancs de l'église. Donc du coup, les auditeurs avaient aussi une sensation corporelle du son. C'était le public de la messe ou c'était des gens qui étaient venus pour entendre ce que tu faisais? Bon, il y avait des festivaliers, mais il y avait aussi, en fait, comment on appelle ça, les doyens du village. Il y avait celle qui avait les clés, 90 ans ou quelque chose comme ça, c'était excellent. Il y avait des enfants aussi, c'était bien. On va écouter Québec Underground, c'est un travail autour de ces résonateurs. Bah en fait, oui, juste une petite chose avant de l'écouter, c'est que les résonateurs, c'est impossible de les faire écouter par transmission radio. En fait, c'est un phénomène physique qu'il faut entendre parce que c'est les murs qui vibrent. Donc du coup, en fait, ce morceau-là, c'est un peu dans l'esprit d'eux. C'est un peu ce que je fais actuellement, moins électrique, plus acoustique. C'est la direction actuelle. Donc il faut imaginer ça, projeter dans un espace qui résonne, quoi. Québec Underground. Retour dans Où ira bien, qui où ira le dernier. Otso, est-ce que, donc ça fait quelques mois maintenant que tu es arrivé à Bruxelles. Ça doit faire une demi-année maintenant, un peu plus de 6 mois, quelque chose comme ça. Comment ça se passe hein, ces premiers mois? Et est-ce que c'est qu'un passage? T'as quand même beaucoup voyagé dans ces dernières années. Oui, j'ai un peu bourlingué ces derniers temps-ci, avant d'atterrir à Bruxelles. Et là, je suis atterri avec un certain bonheur dans cette ville. J'aime beaucoup Bruxelles. Une sorte de ville un peu douce. Et musicalement, comment tu le... Il y a une compilation qui va sortir avec Madame avec le chien, où il va y avoir un morceau à toi. On a pu te voir aussi dans des lieux comme le Bed and Breakfast ou le micro-marché. Voilà, comment toi tu t'introduis petit à petit musicalement dans ce réseau? Oui, c'est sûr que moi je suis quand même venu ici pour jouer. Enfin, c'était un objectif quand même assez important pour moi de jouer maintenant que les choses, les outils sont en place et la musique existe, donc il faut la jouer. Donc j'ai rencontré un peu des gens, notamment effectivement la Madame avec le chien, c'est un label ici. Donc les choses se mettent doucement en place, il y a quelques concerts, il y a des lives, il y a des projets qui se mettent en place et c'est plutôt une chouette dynamique en cours en ce moment. Tu découvres les lieux de diffusion qui sont nombreux, mais qui sont nombreux et variés à chaque fois. Il y a des chouettes lieux à Bruxelles, notamment Bed and Breakfast, c'est bien, toujours, l'autre soir, on a joué à Projection Room, qui est un cinéma à Uccle, un ancien cinéma, un magnifique lieu. Et donc, ce genre de choses où les gens organisent comme une culture indépendante et qui ne dépend pas d'une programmation ou des sous ou quelque chose comme ça. Les gens, j'ai l'impression que les gens ici, ils font eux-mêmes. Et du coup, ça fait vraiment une scène qui me parle moins, qui me touche en fait. On va écouter un de tes projets bruxellois, ça s'appelle If Trio, où pour le coup là tu joues en acoustique. Oui, alors c'est très différent. On écoute et puis ouais, okay. Si tu veux bien, on en parle après. Matrix avec Yves Trio, Florian Guibert à la flûte, Mauro Sarakian au violoncelle. Comment est né ce projet depuis ton arrivée à Bruxelles, depuis 6 mois au Tso? En fait, ça faisait assez déjà un moment que j'avais envie de faire un projet vraiment acoustique, juste acoustique, pas de machine pour une fois. Et donc Florian, c'est un vieil ami qui joue de la flûte, qui est là, qui était à Bruxelles, je savais qu'il était là. Donc du coup, on a commencé à parler déjà assez tôt d'un projet qu'on pourrait faire deux. Et en fait, moi j'avais un vieux fond de composition qui date de même l'époque quand je jouais du jazz. Et on a repris certaines de ces compositions, on les a réarrangées. Et puis on a beaucoup cherché pour trouver un violoncelliste qui joue cette musique-là. Et finalement, donc, on a trouvé Mauro qui improvise, qui aime ce genre de choses. Donc du coup, on a effectivement... C'est tout récent, ça, ce qu'on écoute là, ça date de septembre. C'est la première chose qu'on a enregistrée. Et donc ce trio, il démarre là, et je suis très content que ça puisse exister. Cette musique-là acoustique, c'est nécessaire d'avoir ça comme une contrepartie de... Oui, c'est ça. Des choses plus électroniques, etc., etc. Et puis la physicalité du jeu, c'est important ça. D'être juste avec un instrument et faire des choses avec son corps et triturer l'instrument sans qu'il y ait cette interface d'ordinateur ou de pédalier ou des choses comme ça. Quelque chose de très simple, très direct, très physique en fait. C'est ça le projet IF, je pense. Un autre projet avec Sébastien Dissner, cette fois, de la poésie sonore. C'est un projet en recherche. Qu'est-ce que vous proposez tous les deux? Je crois que ça s'appelle Invisible Cinema. Oui, en fait, ça ne s'appelle pas encore, mais ça pourrait s'appeler Cinéma Invisible. Ouais. Donc Sébastien Dissner, c'est un écrivain qui aussi dit ses textes. Et donc, on avait tous les deux, je pense, envie de quelque chose où la musique pourrait s'associer aux mots pour faire une forme qui serait comme du cinéma, mais sans les images. Et, donc on est à la recherche d'une forme comme ça, quelque chose qui fait une sorte d'alchimie mot-son, pas vraiment mot-musique, mais mot-son, vraiment. Et c'est vraiment quelque chose qui est en cours de route. On n'a pas encore fait des choses vraiment établies. On peut écouter un petit bout là. Oui, un petit bout de recherche, ouais. Une minute. Donc, ton travail avec Sébastien Dissner. Il laisse courir son regard couvert, se laisse couvrir dans le ciel son regard, dans le ciel d'azur son nuage, son regard, son nuage se laisse courir le long de la villa de style victorien, se laisse courir lui le long du trottoir. Pantalon court avec sa petite auto en bois le long de la rigole, il se laisse couvrir par les nuages d'ombre, il se laisse couvrir de baisers par sa mère lorsqu'il rentre à l'heure du goûter, il se laisse courir le long de l'azur sans nuage, il se laisse découvrir par les nuages, la pluie, il se laisse couvrir par sa mère à la sortie du bain, sans nuage, il se laisse filer sans nuage sur le trottoir devant la villa de style victorien. De vos recherches de poésie sonore, vous avez présenté votre travail récemment, dans le cadre d'un festival fiction performance. Comment ça s'est passé? Justement, c'était le live à Projection Room. Et c'est drôle parce que là, on a fait quelques lives avec Sébastien et je crois qu'on comprend pas vraiment bien ce qu'on fait encore. C'est quelque chose qui se cherche, quelque chose qui se met en place un peu. Et en fait, après ce live-là, on se disait qu'on va faire un tabula rasa de ce qu'on a fait jusqu'ici, on va refaire des choses. Donc voilà, il y aura sûrement d'autres textes, d'autres manières de le dire. D'autres manières de jouer, d'autres manières de faire. Et en fait, on conçoit ça comme un labo qui est ouvert. Et pour l'instant, il n'y a rien de fixé. On voit comment ça se passe. Un labo à deux ? Oui, ouais, vraiment à deux. Ouais. Bonne continuation à vous. Ben, merci. D'ici là, on va t'entendre, Tso, jouer en live dans les 20 minutes qui nous restent. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Est-ce que tu as préparé quelque chose ou c'est de la musique écrite ou improvisée ? Tu as un canevas ? Comment ça va se... Moi, j'écris pas la musique, j'écris le logiciel en fait que j'utilise pour ma musique. Donc en fait, il y a presque une écriture musicale, mais qui est sous forme de logiciel. En fait, on prépare des choses dans le logiciel. Sinon, moi, je viens de l'improvisation, donc il y a énormément de choses qui sont improvisées dans tout ce que je joue, en fait. Mais avec le temps, ça se fixe aussi. Ce répertoire-là que je joue ce soir en live, ça vient de la pièce MU qu'on a fait au Canada. Donc ça, je l'ai joué quelques fois déjà, donc ça se fixe un peu. Mais il n'y a pas de partition, il n'y a pas de trace qui restera de tout ça. Et ce n'est pas conçu comme une musique écrite, c'est plutôt conçu comme des espaces, en fait. Très bien, on va t'entendre. Donc pour ce 14e, où ira bien, qui ouvrira le dernier, Otso, la Deoya est en direct dans les studios de Radio Panique. Thank you. C'était Otso Ladeoya en live pour Ouira Bien, qui ouira le dernier. Merci beaucoup, Otso. Merci à toi, Chloé. D'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver tous les 2e et 4e dimanches du mois de 19 à 20h sur Radio Panique. Et toutes nos émissions sont écoutables et téléchargeables sur notre blog ouirabien.blogspot.com. Merci JP pour la technique. Une bonne soirée à tous. À très bientôt.